démocratique Biftech, cher au cœur de tous les Français, a répondu présent par la voix de Monsieur Drucker. C'est simple, mais il fallait y penser. Y'a des mecs qui m'expliquent gimmicks pour chiquer le fric et les filles en talons aiguilles. Que pour passer des titres, une beat, squeeze le feeling, file sur MTV et les clips qui brillent. Mais y'a pas de poésie dans les yeux en lady des lady, alors je te laisse pas la charge car je m'ennuie. Et quand il prend son beau vinyle, il suit la poussière avec style, moi je ne rentre pas dans sa combine. Trois boutons et deux vinyles dans le vide qui font semblant tourner, moi j'appelle pas ça l'envie de créer. Avec un casque de trois fils, une table fébrile pour le style et des pièces qui remuent leur outil à son rire. Moi je pense qu'en manque de swing, de batringue et de style, de putain de saveur dans cette vie easy keep moving. À mi odeur de sueur, à chaleur et de bonheur, danseur de bebop qui Saint-Germain les fleurs. Et des potes renversés, des clopes qu'on écrase, en rêvant d'être plus grand d'être de ces icônes de jazz. Des clichés des piafs qui tournent le matin, hurlent à toute tête sur les bords de chemin. Hey les poils de mon doigt de pied car ça manque d'audace, de couilles de classe, d'un peu d'identité et touché, osé. Trois boutons et deux vinyles dans le vide qui font semblant tourner, moi j'appelle pas ça l'envie de créer. Avec un casque et deux trois fils, une table fébrile pour le style et des pièges qui remuent leur bouti à sans rythme. Moi je pense qu'en manque de swing, de batringue et de style, de putain de saveur dans sa vie easy keep moving. Un mix d'odeur de sueur, de chaleur et le bonheur, des danseurs de bebop, de Saint-Germain les fleurs et des peintres renversés, des clopes qu'on écrase en rêvant d'être.